بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتيه بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى. من المؤلف؟ سكرتير. كي لوتير دو بلوغ المرام. ايوه، ابن حجر. لكل بيي لا ابن حجر. Quel pays? Peut-être l'Arlem, en tout cas. Le pays, il est Marlouf, c'est un pays qui est connu. On l'a visité en début de Ders. C'est un Misri. C'est un Égyptien. Taïb. Qala an Abi Qatadata radiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala fi al-hirra innaha laysat بنجس إنما هي من التوافين عليكم. أخرجه أربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحديث صحيح. أنصلون أبو قتادة que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit à propos de la chatte qu'elle n'est pas une impureté mais elle est juste parmi ceux qui tournent autour de vous. Un des animaux domestiques qui tournent autour de vous. Apporté par Arba'a. Arba'a, yani Abu Daoud, Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Rahmatullah alim jami'an. Tamam. Qala المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. Maintenant les règles, les sujets à profiter, à tirer profit du hadith. مسألة أولا. طيب، avant de commencer, une faïda لغوية. في قوله إنما هي من التوافين عليكم. Elle est juste parmi يعني les animaux domestiques qui tournent autour de vous. توافينا. Là c'est un jam مذكر سالم. ومن المعلوم كل ما ليس بعاقل جمعه يكون على الصيغات المفرد المؤنث. Que tout ce qui est غير عاقل, qui n'a pas de raison, comme les animaux, les objets, leur pluriel, ça équivaut à un singulier féminin. Donc là, il est venu avec un jam muzakkar salim. Et parmi les shurut, les conditions du jam muzakkar salim, justement, c'est qu'on l'emploie pour l'aqil. On l'emploie pour ce qui est aqil. Tu dis pas, mesdames, haoula baytouna. Ça veut dire des maisons. Baytouna. Sayyaratouna. Hein? Qalamouna. Non. Jam muzakkar salim, il s'emploie sur tout ce qui est à la base masculin, tout ce qui est le plus grand nombre masculin, et ce qui est une description, et également, parmi les shurut, ce qui est aqil, ce qui est une raison. Donc la chatte n'entre pas dedans. Déjà, elle est féminine. Mais là, il se peut que lorsqu'ils disent hirra, ils veulent dire ça concerne tous les chats, c'est pas que la femelle. D'accord? C'est pas propre à la femelle, c'est tous les chats. Et donc, c'est un animal là qui a été cité au féminin. Et c'est un animal qui est aïl aqil, qui n'a pas de raison. Donc pourquoi on l'a mis tawafin? Fa Ibn Athir, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Nihaya, qui est un livre qui explique tous les mots Concernant les difficultés dans les hadiths, un dictionnaire juste par rapport aux hadiths, il dit pourquoi c'est Tawafin qui est venu. Il dit parce qu'en fait cet animal là dans le hadith, il est venu au statut du Aqil comme le domestique, comme le gouvernant, comme le serviteur. Car ils sont parmi ceux qui tournent autour de nous, de tout ce qui touche à nos aliments tous les jours, à nos modes de vie privés, qui nous servent. Et le chat, là, dans ce hadith, a été mis à son niveau. Est-ce qu'il est au niveau domestique? Wallahu ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Également, Hirra, c'est quoi son tasrir? Hurayra. Abu Hurayra, c'est venu ce mot-là, Hirra. D'accord? Hurayra, c'est le tasrir de Hirra, c'est petite chatte. Et dans l'histoire qui était citée de sa kunya, il y a une divergence. Parmi ce qui était cité, c'est du fait que lorsqu'il déplaçait pour aller chercher de l'eau, ce que je rappelle, il y avait une petite chatte qui la transportait avec lui. Mais l'histoire n'a pas été certifiée. Il y en a qui disent qu'Abu Huraira c'est son prénom. Il y en a qui disent que non, son prénom c'est Abdurrahman ibn Sakhar. Il y a plein de versions, mais la plus authentique c'est celle-là. Et Shamukbul lui voit qu'Abu Huraira c'est son prénom. نعم على كل قال مسألة حكم سرء الحرة لجمون دو لا باف دو شا لا شات لو شا donc la plupart des savants voient qu'elle est pure pour preuve de ce hadith Parmi les ulama qui voient ça, déjà la plupart des savants parmi les compagnons, parmi les sahaba, des tabi'in, et ceux d'après eux comme Shafi'i, Ahmed, Ishaq, tout cela le voient qu'il n'y a aucun mal dans la bave du chat. Et d'autres comme Abu Hanifa voient que c'est une najasa. Et ils passent comme preuve que le hirra, min al-siba', le siba' c'est les fauves. Le chat fait partie des fauves. D'accord. Il n'y a pas de car la asl fil ashiya, la base dans les choses, c'est qu'elles sont pures. Jusqu'à ce qu'on ait une preuve claire qui démontre que cette chose elle est impure. Et pour ce qui est des fauves, il n'y en a pas. Pour ce qui est des fauves, il n'y en a pas. Parce que leur bave est une impureté. Donc, ce qu'il y a, c'est que le chat n'entre pas dedans. Déjà, ce hadith te démontre que le chat n'est pas une najasa. Ni lui, ni sa bave. Même s'il est un fauve. Et l'autre hadith, pareillement, ne te montre pas que la bave des fauves est une najasa. Ensuite, justement, là, il parle de mas'ala. Sur'u al-siba. La bave des fauves. Donc le fauve, قال في النهاية ما هو وما يفترس الحيوان يأكله قهرا وكسرا كالأسد والذئب والنمر ونحوها. Donc il dit dans le Nihaya, c'est quoi un siba? Un siba, c'est des animaux prédateurs qui dévorent les autres animaux, comme le lion, le loup, le tigre, ce qui y ressemble. On appelle ça des fauves en français. Donc ici justement qu'il y a eu un khilaf entre les ulama par rapport à la bave des fauves. Et également du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de les manger. Et tout ce qui a des crocs et des canines et des griffes, le hadith est venu pour interdire d'en manger. Qu'il s'agisse de fauves ou de rapaces ou ce qui y ressemble, tout animal doté de crocs, de canines et de griffes, de cerfs, il n'est pas permis d'en manger. Et non pas du fait qu'elles sont des najasa. Le fait que le professeur Salam est en train d'en manger, cela ne veut pas dire que c'est najasa. Par exemple, il y a des animaux comme par exemple l'âne. L'âne, taïeb, l'âne, l'âne domestique, on va dire, il n'est pas permis d'en manger, et pourtant, il n'est pas une ajassa, la preuve, on monte dessus. On monte dessus. S'il était une ajassa, on ne monterait pas dessus. Ensuite, et eux, ils ont plusieurs hadiths pour s'appuyer pour leur avis. Cependant, dans les hadiths qu'ils citent, il n'y a rien qui soit authentique. Il n'y a rien qui est d'authentique. Ils citent par la suite la bave de l'âne et du mulet. Mais également, les ulama ont divergé dans le même sujet, sur la même façon que le sujet précédent, la bave des fauves. Qu'un prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai fait hadith Anas bin Malik, naha an al humur al ahliya yom khaybar fa qala innaha rijsun wal hadith muttafaqun alayh. Là, c'est un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la viande, la chair des ânes domestiques en disant innaha rijsun, c'est une mauvaise chose. Et rijsun, le fait qu'on écrive une chose de rijs, cela n'inclut pas forcément qu'elle soit impure. Cela n'inclut pas forcément qu'elle soit impure. Ça peut être une chose interdite, mauvaise, mais pas forcément impure. Ensuite, il cita Mas'ala Sur'u Mayukal Lahmuhu, la bave de tout ce qui est comestible. De tous les animaux qui ne sont comestibles. Donc là, il y a un ijma', unanimité des savants, que toute chair nous étant comestible, hein, sa bave en est pure. Sa bave en est pure. Également, il cita le cheval, sur'u al-khayr, c'est les chevaux, particulièrement le khayr, c'est les chevaux de guerre, les coursiers, je pense que c'est plutôt les coursiers, ouais. Et il y a eu un khilaf, est-ce que cette viande est permise ou pas? Et l'authentique, c'est que cette viande est permise. Il y a d'une part que elle asfil ashalibaha. Et il n'y a pas de dalil qui interdise de manger du cheval. Étant là, ils se servent du fait que le cheval nous est utile. On s'en sert. Donc, si on le mangeait, hein, cela pourrait nous apporter un manque. Et ça, c'est pas une preuve. Ça, c'est pas un dalil, ça. Et il y a un hadith, je ne l'ai plus en tête, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ont mangé du cheval. La viande de cheval. J'ai plus le je me rappelle plus du marana, mais c'est autour de ça, en tout cas. Wa mahma kana fal asfi al ashli baha. Donc, quelqu'un qui dit que le cheval est interdit d'en manger, on le dit, il faut que tu apportes une preuve. Car à la base, dans les choses, c'est qu'elles nous sont licites. Comme on l'a pris dans les kawaii du début. Al asfi al ashli baha. Qui est-ce qui voit qu'il n'est pas permis? Al-Hanafiya, la sœur d'Abu Hanifa, et Al-Malikiya. Non. Et ce hadith est également tiré et une preuve de la règle Al-Mashaqqatu Tajlibu Taysir, que toute difficulté amène une facilité. Car les animaux comme le chat, en certains endroits, sont des animaux qui rentrent chez les gens. Tu ne peux t'en débarrasser. Même si tu le jettes, tu le chasses, il va revenir. Les chats, ils sont comme ça. Tu le chasses, il revient. S'il y a une chose qui l'intéresse chez toi, il va revenir. Donc si c'était une ajassa, ce serait une chose qui serait dure pour nous. Une chose qui serait dure pour nous. Et également, ce hadith démontre l'autorisation d'avoir des animaux domestiques. Maintenant, le chat, comme on avait demandé à Cheikh Ibn Hizam, il a dit il est permis d'avoir un chat à la maison. Mais il faut que ce chat, il a dit pas forcément Tashbal Bukufar, que ce chat ait une certaine liberté, qu'il ait une utilité dans la maison. Par exemple, qu'il cherche tout ce qui est les rats, les insectes, les cafards, qui se nourrissent par ça. Hein, lui aussi, un champ libre quand même, dans, parce que c'est un animal, le chat c'est connu, il a besoin d'un espace de chasse, c'est un prédateur. C'est un prédateur. Donc le nourrir à la gamelle tout le temps, ça va lui faire perdre de ses facultés. Tu vois ce que ça veut dire? Il y a des animaux, ils ont des facultés, faut pas les altérer. Par exemple, dans un hadith qui est venu, qu'il y a un homme qui montait sur une vache. Et la vache ne l'a pas allé. Elle a dit, ma khuliktu li hadha. J'ai oublié le mot en arabe. Donc elle a dit, j'ai pas décrit pour qu'on me monte dessus. Et la vache, elle lui a parlé. Elle lui a parlé pour dire, j'ai pas décrit pour que tu me montes dessus. Donc tu vois un peu. Donc des animaux ont des particularités. Et par exemple, le chat, c'est un prédateur. Donc il serait dommage d'avoir à le nourrir à la gamelle alors qu'il peut se débrouiller tout seul. C'est son instinct. D'ailleurs, tu les vois, les chats la nuit, ils courent dans la maison. C'est leur instinct de chasse qui prend le dessus, comme ils disent les scientifiques. Ils courent dans la maison, ils cherchent. Ou tu vois, quand tu joues avec eux, quand ils sont petits, avec un objet, ils sautent dessus tout de suite. Tu vois qu'un fil ou autre comme ça. C'est un prédateur, à la base. Il est mignon, il est gentil, mais c'est un prédateur. D'accord. Donc l'animal, tu peux l'acquérir dans ta maison, mais il serait vraiment dommage et pas très compatissant de l'enfermer, qu'il soit enfermé dans un appartement par exemple, qui n'est pas grand lieu pour se dégourdir, par exemple pour courir ou chasser, alors qu'il a été créé pour ça. Du moins, c'est parmi ses facultés, c'est le pouvoir, parmi ses propriétés, c'est qu'il puisse faire ça. Naam. Donc voilà, donc khola ça, c'est que le chat, d'accord, est un animal qui n'est pas impur ni sa bave. Par contre, le jument, c'est si jamais il vient à manger, à lécher, par exemple, ou manger une chose qui soit impure, là oui, on ne peut pas dire que sa langue elle est impure, sa bave est impure, mais elle est souillée par cette impureté. Hein? Ah, par exemple, il a mangé un rat qui sort d'un égout. Le rat, il est plein de naja, ça, sur lui. Et le chat, il le mange, par exemple. Il est certain que le chat, après ça, c'est pas il met sa langue dans de l'eau que tu vas boire. Directement. Mathalan. Ou qu'il va lécher un truc dont tu as besoin. Par exemple, il vient, il lèche son kamis. Il vient manger un rat d'un égout. Après, il vient, il lèche son kamis, le chat. Tu vois la salade. Tu veux nettoyer ton kamis. Mais ce n'est pas que ça bat avec le naja, c'est qu'à ce moment-là, là. À ce moment-là, là, sa langue, elle était souillée par cette najasa. Et c'est rare, tu vois, des chats faire ça. J'en ai vu, hein, une fois, des mecs, j'étais choqué. Ils buvaient de beyara. Première fois que je voyais ça, un chat qui buvait d'une beyara, des fois sceptiques, des égouts. Alors que les chats, là-bas, c'est des animaux propres. C'est connu. Les chiens, ouais, ils boivent. Les chats, j'avais jamais vu ça et j'étais choqué quand je l'ai vu. J'étais surpris de voir ça. En tout cas, voilà, quoi. Et également, c'est le même sujet pour les fauves. Les animaux par rapport à leur bave. Pour l'instant, le seul qu'on a une preuve dont la bave est qu'une najasa, c'est le chien. Et même le chien est un khilef, comme tu as pu voir. Il y a aussi un khilef par rapport au porc. Est-ce qu'il est impureté ou pas? Et s'il est impureté, sa bave le sera également. Et il y a un khilef. Il y en a dit, c'est parce qu'il a été interdit, par exemple, c'est-à-dire qu'il est impur. Naam. Mafhoum hadha? Taïfa illa huna, walhamdulillahi rabbil alamin.